Arc-en-ciel, Didier & Co, et nous allons juste basculer dans un moment un petit peu plus festif, un petit peu plus musical d'ailleurs. Et voilà, c'est la pochette surprise, c'est la numéro 1. Aujourd'hui, Stéphane, t'as pas donné de chiffre, j'attendais. Mais je vous invite tous à passer sur Didier & Co et à nous dire. D'ailleurs, j'ai une nouvelle émission, enfin dans l'émission, de temps en temps, je ferai la pochette surprise, mais musicale, avec un petit clin d'œil à certains morceaux musicaux d'ailleurs, où je donnerai la story de ce morceau, voilà, la légende. Allez, c'est parti pour les années yéyé. Didier & Co, Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 MHz. mais bien. Dès le départ dans le matin, où le soleil s'embrille, tout le long de nos chemins, nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu de d'espoir. Mais nous partions comme Gavroche, le cœur à pied bavard. Souvenirs, eh bien oui, on vient d'en évoquer quelques-uns là depuis, qui nous sont remontés depuis plus de 30 ans dans les années 80, 90, 2000, et ça fait, oui, ça fait beaucoup de temps. Voilà, eh bien, simplement là on est arrivé donc dans le côté pochette surprise numéro 1 sur les titres yéyé. Et nous aurons donc le 5 mars. Le 5 mars, ça sera la première pochette story music. Le 12 mars, on sera dans le volet numéro 3 avec les moyens de communication pour terminer cette série sur les communications. J'espère pouvoir avoir mon ami Jean-Guy en fréquence. On parlera un petit peu de l'UHF, VHF, PMR 446, les signaleurs d'aujourd'hui avec une association de Nantes, avec monsieur Mathieu Vittard qui en est président, que j'aurai le plaisir d'avoir au téléphone. Le 19 mars, je reçois donc une artiste locale qui s'appelle Alex Le Play. Le 26 mars, ça sera un rendez-vous à Comet à la Foire Expo, où je serai en présence toute la semaine sur le stand Arc-en-Ciel pour animer et faire mon émission en direct, où j'attends quelques invités. Le 26 mars, rendez-vous donc Comet. Le 2 avril, 4 invités autour du bien-être, donc avec coach sportif, relaxation, yoga et tout ce qui s'ensuit. Le 9 avril, je ne serai normalement pas présent pour des raisons de personnel, on va dire, des raisons de santé, mais normalement il y aurait à avoir une émission pochette surprise musique que je vous préparais à l'avance, à moins que mon ami Albino puisse venir me remplacer, mais bon, voilà, sinon je mettrai l'émission, il n'y a pas de souci. Le 16 avril, je reçois Chris Milan, encore un artiste qui nous viendra du département 41, qui va nous parler de ses derniers titres et de son métier, puisqu'il est professionnel aussi, comme d'ailleurs Alex Le Play. Le 21 avril, ça sera un rendez-vous sur l'autisme avec chez les enfants et les ados. Le 30 avril, on va aller du côté de la vieille Europe avec nos ancêtres, les Yamnaya, avec une personne que je connais particulièrement qui s'appelle Sylvie Vercher. Ma sœur, ma frangine sera là pour nous parler de la vieille Europe. Elle sera surtout au téléphone. Et le 7 mai, on parlera du monde des confréries. Voilà un petit peu pour les rendez-vous que nous avons jusqu'au mois de mai. Et ben on va continuer sur la pochette surprise en sachant que normalement elles sont toutes. Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Belles, belles, belles de jour en jour. Des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Fou de douleur, mais crois-moi plus fou. D'elle, d'elle, d'elle, de jour en jour. Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper.

na, na.